Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Bon microphone, Danny Veilleux. Ben, hier, on est revenu dans la section entrevue de danazosport.com avec David Lamontagne, le président du hockey mineur de Boumsessini. On a évidemment parlé de la vente des billets, qui s'est très, très bien fait. En 4 heures, on a environ vendu tous les billets disponibles pour le match entre les Saguenay de Chicoutimi et les Remparts de Québec du 25 août à Boumsessini. Et selon David Lamontagne, il était un peu surpris quand même de l'engouement que cela a généré. Aussitôt qu'on a annoncé qu'on allait avoir une partie des sacs, tu sais, il y avait quand même beaucoup de téléphones quand est-ce que les billets allaient sortir. On avait beaucoup d'appels. Fait que c'est pour ça que j'étais assez confiant de vendre les billets, mais les vendre aussitôt que ça, ça m'a surpris un petit peu. David Lamontagne a mentionné dans un deuxième temps que s'il y avait eu 1500 billets disponibles, ils auraient tout vendu. Il y a même une liste d'attente qui a été créée. Moi, je suis convaincu qu'on les aurait vendus, oui. Okay. Que déjà là, les billets sont vendus. Ouais. On a quand même une liste d'attente. Il y en a qui ont quand même donné le nom pour avoir des billets, puis on a plus de billets. Mais si, mettons, il y en a qui cancellent des billets, on a quand même pris des noms en note. Moi, je suis convaincu que 1200, 1300, on n'aurait pas une... David Lamontagne m'a confirmé par le fait même que Justin Saint-Pierre sera l'arbitre, et c'est justement même Justin Saint-Pierre qui a fait les démarches pour arbitrer ce match du 25 août. Saint-Pierre va arbitrer le match. Il a confirmé ça ce matin. On est bien contents. C'est sûr qu'au début, on avait pensé à ça. Je pense que c'était un petit peu compliqué avec la Ligue. Mais c'est d'ailleurs Justin qui a fait les démarches de son côté. Il était vraiment intéressé à venir arbitrer, puis on est bien contents. OK. Donc, puisqu'il est question des Saguenay de Chicoutimi, on a confirmé hier que German Rutsoff sera présent au camp d'entraînement des Saguenay. On sait que Rutsoff, cet espoir russe, qui était un choix de première ronde des Flyers de Philadelphie, a très peu joué avec les Saguenay l'an passé. Parlons maintenant d'une compétition qui s'est déroulée récemment au Manitoba. Il y a deux athlètes du club du Mille, de Dolboum-Sessin, qui ont très bien fait en remportant deux médailles d'argent en marche rapide lors d'une compétition des championnats régionaux de la Légion canadienne. Donc, comme je vous ai mentionné, qui s'est déroulée au Manitoba. D'abord, Caroline Dufour, âgée de 14 ans, a signé une médaille d'argent avec un chrono aux 1500 mètres de 7 minutes 24 secondes, soit 14 secondes de plus que son record habituel. Et aux 3000 mètres, Elisabeth Simard a raflé la médaille d'argent avec un temps de 15 minutes et 52 secondes. Nage en eau libre, Gabriel Savard de Dolboum-Sessini est en action au lac Mégantic dans le cadre de la traversée internationale du lac Mégantic. Et ça a bien été pour Gabriel Savard, elle a terminé deuxième aux 7 km avec un temps de 1h46 minutes. C'est au deuxième rang chez les femmes et troisième au cumulatif. En entrevue sur les ondes de danazosport.com, l'athlète de Dolboum-Sessini se disait quand même très, très heureuse de sa performance. Oui, satisfaite. Mais en fait, c'était mon premier 7 km. Je ne savais pas trop. J'avais pas vraiment de stratégie parce que je ne savais pas comment ça allait aller. Mais finalement, je suis vraiment satisfaite. Puis ça a mieux été que je le pensais. C'est la première fois que j'y allais, mais le lac était dans les bonnes conditions. Là. C'est sûr que l'eau était à la limite du wetsuit. Moi, c'est un avantage pour moi parce que personne n'a eu à le mettre, en fait. Okay. Mais c'est plus facile que la saison, je dirais, parce que c'est moins grand, donc moins épris. En terminant, c'était sa première année en nage en eau libre. Est-ce que tu es satisfaite de sa première saison en compétition? Oui, je suis contente. C'est au-delà de mes objectifs. Moi, je voulais être dans les 6 premières positions dans la coupe la Coupe du Canada Espoir, en fait, là, parce que je voulais avoir une bourse, mais finalement, j'ai terminé 3e. J'étais vraiment fière de moi parce que c'est beaucoup de travail, en fait, c'est beaucoup d'efforts. Là. OK. Je suis contente parce que c'était récompensé. Là. Je termine avec du soccer, avec des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues. En catégorie 12, verdict nul de 1-1 entre Robertval et Saint-Félicien. U16, Saint-Félicien défait Dolboum-Sessini 7-0. Et du côté 14 masculin, le FC de Saint-Félicien a défait les Chinook de Chicoutimi 1-0. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Caroline Delisle de la Coupe Rogers qui s'est terminée dimanche. On a également parlé aussi avec David Lamontagne, président du hockey mineur de Dolboum-Sessini, de la vente de billets pour le match du 25 août entre les Saguenay de Chicoutimi et les Remparts de Québec. Et je me suis également entretenu avec Marc-André Leclerc de la traversée internationale du lac Mégantic qui se déroulait en fin de semaine. Le sport local et régional à danradiosport.com, on s'en occupe.